essayer de faire des paroles. Attends. Hein. Thank you. j'ai l'ordinateur. Tu sais, l'autoroute m'attend, je ne te réveille pas. Il fait froid dehors, ça sent la fumée. Et ton corps, je laisse ses draps. J'ai tout oublié.